Vous êtes au courant, j'imagine, du différend qui oppose Pierre et Rémi ? Apparemment, le désaccord est si profond qu'il va nous falloir trouver un moyen de désamorcer le conflit. Oui, il faut calmer le jeu et tenter d'apaiser les esprits. Nous allons commencer par nommer un médiateur qui, espérons-le, aura suffisamment d'habileté et de tact pour écouter les deux sons de cloche.